et vous êtes les aigles de Dieu au nom de Jésus. Puisque si vous êtes trouvés dans l'enclos des canards, je vous ordonne au nom de Jésus de vous lever plus haut et regarder que dans les cieux, une voix crie à tous les aigles de se rassembler parce que bientôt les cadavres des chairs de cet temps-ci vont être dévorés. Que Dieu vous bénisse.